t'écrivant jour et nuit toutes les lettres de mon corps. Dans un grand bruit d'amour à faire sauter les rêves. Allez foutre dehors, allez foutre dehors, en chair et en parole. T'écrivant tout moi-même sur ce grand char à lettres qu'est devenu mon corps. Un sang chaud vagabond de mes veines à ta porte. Il y a aussi le vent, il y a aussi le vent qui me tient compagnie. Le bon vent des frissons, mon vent des frissons par les mots que je dis. Écoute-moi, je t'aime, je t'aime. Regarde-moi, je t'aime, je t'aime. Oh, oh, besoin de toi. Oh, oh, j'ai besoin de toi. Oh, oh, oh, besoin de toi. Oh, oh, oh, j'ai besoin de toi. À chaque bout de phrase, à chaque parole d'amour, je te fais un royaume plus immense que la vie, plus terrible que la mort, terrible que la mort, puissant que l'amour. Écoute-moi, je t'aime. Regarde-moi, je t'aime. Comme un âne joupiaf sous ma loupe de papier, encombré par les mots, encombré par les mots qui me brûlent la peau. Je t'aime, je t'aime de tout mon corps, de tout mon âme. Écoute-moi, je t'aime, je t'aime. Regarde-moi, je t'aime, je t'aime. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh, j'ai besoin de toi. Oh, oh, oh, j'ai besoin de toi. Oh, oh, oh, j'ai besoin de toi. Je t'aime de tout mon être proche. Tu me fais rêver. Je t'appelle de tout mon être. Matin, midi, soir, maman. Ma peine, ma peine.